N-A-R-K-O. Big Jam. L-O-U-L-Y-O. Accroche-toi bien. Je me présente, vous prenant Big Jam, non, BRT, je joue à chaque une minute. Pour compléter ma phrase, ces mots qui construisent le cœur de ce morceau, qui sont aussi marseillais que l'humour de Patrick Bosso. Je veux me présenter mon arme, qui est toujours en état de guerre, qui distribue ses munitions en forme du rap vénère. Je peux pas me taire, car si je me tais, je manquerai d'air. Je pourrais plus interpréter le monde de tour à ma manière. Soit en toi en clair, ceux qui sont vrais, ceux qui font que l'air. Je suis tellement accro du rap que je devais pervers. Trop vénère, méga du rock, jusque le temps de berre, qui n'arrête pas d'envoyer la force de leur colère. Nos rimes à faire play à nos admirateurs, à nos limites absolues, sans faire play. C'est une agent que continue, ne cesse pas de déserter nos rangs. Maintenant on se sent le monde, seul les scrupules. Maintenant je colle l'état qui nous affaime dans nos cellules. Mais dans le rap c'est pas du feu, mais que de la fumée. Mais sans feu y'a pas de fumée, alors je viens le rallumer pour pouvoir fumer la vie. Sans l'excès pour la santé, sans provoquer cancer, qui rapproche le jour de nos décès. Mais ce nom ne vise pas l'état qui veut ne baise. Le protecteur du bien, des graphes mes aises. Laissez m'exprimer quand j'assume ce que je fais. Mais si mon texte déborde de haine, mon RAP est le synonyme de paix. Synonyme de paix. Ma vie, ma passion, mon crew, ça fait juste trois lettres. Mon RAP. Je continue d'écrire les phrases dans mon coupé. Les mots me suffisaient juste au jour de mon décès. Ma vie, ma passion, mon crew, ça fait juste trois lettres. Mon RAP. Je continue d'écrire les phrases dans mon couplet. Les mots vont s'épuiser juste au jour de mon décès. Je me présente, Narco, je m'appelle NRKO. Mon blaze, j'appelle le N pour les intimes. Vertige, le crew, c'est ma team. Je crache sur le micro et certains disent que c'est trop. Notre crew s'est formé, que mon rap s'est réformé. Les rumeurs tragiques, trash comme les films X. On met toutes nos idées à nu et si tu m'as pas reconnu, pas comme Rocco, nous on n'est pas connu. On a raison du bienfait de nos torts et je le dis calé sur cet instru. Les couleurs de nos vies qui nous mettent à l'évidence, blanc ou noir. De toute façon, je vois pas la différence. Promesse, mais trop d'âge, ma morale de la délinquance. Et si je fais du rap maintenant, alors c'est ma seule chance. Souvent en attaque, mais toujours prêt pour la défense de mes proches. Ceux qui sont là et ceux qui sont plus à qui je pense, je lance mes canons dans le camp adverse. Ils croient qu'ils nous niquent, mais en fait c'est tout l'inverse. Foncer sur les barrages des flics et tout leur credo. Sur la police représentée par Julie Lescaut. Foué, roué, noué, coup. On marche sans virage comme un écrou. On persévère dans le rap des vertiges. On augmente le niveau de notre rap. Histoire tu piges, histoire tu piges. Ma vie, ma passion, mon crew, ça fait juste trois lettres. Mon RAP. Je continue d'écrire les phrases dans mon couplet. Les mots me suffisaient juste au jour de mon décès. Ma vie, ma passion, mon crew, ça fait juste trois lettres. Mon RAP. Je continue d'écrire les phrases dans mon couplet. Les mots vont s'épuiser juste au jour de mon décès. À mon tour, je me présente pour les vertiges chez Loulou au micro. Je t'explique en deux mots le topo. Je suis ici pour m'exprimer avec mes mots. Je rappe pour le rap avec mes frères poteaux. Et t'inquiète, j'en fais pas trop. Ouais, Big Jam, j'espère qu'ils ont bien compris qui on était. Hein. Ouais, j'espère qu'on a bien annoncé la couleur. Les ERT, je suis en colère.